Tiens, prends ça dans ta gueule. C'est un venin intersidéral qui te transformera en poudre thermospasmique et qui te fera des taches sur les habits que même Skip Machine ne pourra pas les enlever. Deuxième partie du Stone Rock Show avec deux titres des punks irlandais Stiff Little Fingers. Le premier, c'est Alternative Ulsters, deuxième single du groupe sorti en 1978 chez Rigid Digits. Et on enchaînera avec Wasted Life, la face B de leur premier single Suspect Device, sorti également début 1978 chez Rigid Digits. Ensuite, je te passerai The Only Ones et Special View, qui est la face B du single Another Girl, Another Planet, que je t'ai passé juste avant la trêve. C'est sorti début 1978 chez CBS Records. Et on terminera cette série avec le petit reggae de la semaine, The Gladiators et le titre Marvel Note, extrait de leur deuxième album studio Proverbial Reggae, sorti en 1978 chez Frontline Records. Sa to you. They say they got control of you, and that's a lie, you know. They say you will never be free. Free. Free. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. Je vois pas où est la caméra. Tu veux que ça me foute, moi. Bon, allez, tiens. La lumière, allez. Merde. C'est terminé. Là, ça tourne. I could be a soldier. Go out there and fight to save this land. Be a people soldier. Paramilitary. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Atana, atawana na ha ha. Every time you're making love to someone, that's okay. You're far away, and she can't discreetly have fun. Now I'm hoping you let the curtains open, and you're keeping the lights on. I can't cope, I got my telescope up, and I'm reaching new heights on this special view of such a special view. Then it's all over, and I can't help feeling lost. about you. It's kind of galling to see that room all in. You're soft and pathetic, but that's a price you have to pay. Wait, there is no other way. This thing is gonna get bigger and bigger. This special view. Feelings come and feelings go. It's so hard to define them. On some occasions I lose my patience and I slip out of alignment. If I say I'm sorry, don't take this pleasure from me. This is something really feels me, but same time it kills me. This special view, oh, such a special view. This special view, oh, such a special view. Special view, such a special view. Fumez, monsieur. Said before, that's when we fall, we may never rise. But your warm Messiah will set us free. No, no, iniquity for the city of the people's mind are filled with envy. They rob and kill to achieve vanity and forget the love of humanity. I say. Forget the love of humanity, yeah. But my Si tu viens de nous rejoindre, tu es en train d'écouter le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Et c'est Olive à l'antenne pour t'accompagner une petite partie de ton mercredi soir. J'espère que tu passes un bon moment avec du bon son rock, passé sur les radios british en 1978, et que tu découvres ou redécouvres les titres ou les groupes de cette belle époque. Troisième partie de cette émission avec le groupe de Tom Verlaine, Television, et le titre Foxhole, extrait de leur deuxième album studio Adventure, sorti en avril 1978 chez Elektra. Malheureusement, cet album n'est pas au même niveau que le premier Marquee Moon, mais il contient quand même quelques bons morceaux. On enchaînera avec le Wire de la semaine. On va changer d'album et passer à leur deuxième album studio Chair Missings, sorti le 8 septembre 1978 chez Harvest Records. Disque beaucoup plus expérimental que Pink Flag. Je te diffuserai le morceau d'ouverture Practice Makes Perfect. Ensuite, je te passerai un petit Alternative TV, Why Don't You Do Me Right, extrait de leur premier album studio The Image Has Cracked, sorti en mai 1978 chez Deptford Fun City. Pour info, ce morceau a été composé par Frank Zappa. Et on terminera cette série avec Frankie Miller et le titre Love Is All Around. Cet extrait de son cinquième album studio Double Trouble, sorti en avril 1978 chez Chrysalis Records. Et devinez un peu qui c'est le petit gars qui fait du backing vocals sur ce titre. Je te donne la réponse juste après cette série. Salute. Fire down to the river. I think I love you, but baby, why don't you do me right? Alors moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Comme ça, c'est tout de suite réglé. Hey, my friend. Why you hung so low? Don't be birds singing the trees no more. Don't the rain fall? le Stone Rock Show. L'émission d'Olive. J'espère que vous avez reconnu Mr. Steven Tyler, chanteur du groupe Aerosmith, qui fait les chœurs sur l'album de Frankie Miller. Quatrième et dernière partie du Sun Rock Show avec deux titres du groupe Rainbow et deux titres de Stevie Lage. Rainbow, parfois dénommé Ritchie Blackmore's Rainbow, est un groupe de hard rock britannique originaire de Hertford en Angleterre. Il est formé par Ritchie Blackmore, jusqu'alors guitariste de Deep Purple. Le 9 avril 1978, le groupe sort leur troisième album studio, Long Live Rock'n'Roll, album enregistré au château d'Hérouville dans le Val d'Oise. Le groupe est composé de Ronnie James Dio au chant, Ritchie Blackmore à la guitare, Bob Desley à la basse, David Stones au clavier et Cozy Powell à la batterie. Rien que ça. Je vais donc te passer deux titres de cet album, Kill the King et Gates of Babylon. Stephen Simpson Elage est un musicien britannique, guitariste, claviériste, chanteur et producteur, né le 2 août 1951 à Chingford, Londres. Il est associé à l'école de Canterbury depuis la fin des années 60. Avant d'entamer sa carrière solo, il a fait partie des groupes Uriel, Arzakiel, Can et Gong. En avril 1978, l'artiste sort son quatrième album solo chez Virgin, nommé Green, produit par Nick Mason, le batteur des Pink Floyd. Je vais te passer les deux titres, Crystal City et la reprise du groupe de Gong, The Glorious Home Riff. Rainbow et Stevie Lage, c'est dans le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Bonne écoute, camarades.

le Stone Rock Show. Mais c'est de la merde! Stone Rock Show. Émission d'Olive. Voilà, le Stone Rock Show c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. J'espère que tu t'es régalé en ma compagnie et que tu as apprécié ces morceaux diffusés sur les ondes anglaises en 1978. On va se quitter avec la Pale Session de la semaine, le groupe The Boys, enregistré le 3 août 1977 dans les studios de la BBC et diffusé pour la première fois dans le John Peel Show le 8 août 1977. Le groupe y interprète 6 titres, Sick on You, The First Time, Cop's Car, Box Number 939, Living in the City et Rock Relics. Le jeudi, c'est Manu sur Stone Rock Radio avec le Rock Alternative Show vers 20h. Et vendredi vers 21h, c'est la reprise pour Jan et Totalement Rock. Tu peux retrouver le Stone Rock Show sur Mixcloud sur la page de la radio ou sur le site archive.org en tapant tout simplement le Stone Rock Show. Sinon, abonne-toi sur Facebook pour être au courant des news ou de la prog. Allez, bonne nuit à toi, ami du rock, et à la semaine prochaine. Merci pour ta fidélité. Bye! We'll be right back.